qui sait de quoi demain sera fait au matin. Il faut en profiter, comme ça pas de regret. Si demain c'est fini, l'emmêlage de nos vies, on aura tout vécu, et notre amour à nous. T'es perdu, n'y pense pas, tu comptes tellement pour moi. Il faut vivre au présent et s'aimer maintenant. Qui sait de quoi demain sera fait au matin. Et si demain te prend sans que l'on ait le temps, profitons donc encore, aimons-nous sans remords. On aura tout vécu, notre amour à nous.